Neuvièmement, l'ange dit, Qu'êtes-vous? Nous sommes les armées. Alors, pâles, debout, les ombres ranimées crièrent, écartant les linceuls de leurs seins. Malheur! Malheur! Malheur à tous ces assassins! Et l'ange dit, levant le bras pour les confondre. Vous avez entendu? Qu'avez-vous à répondre? Et les morts répétaient, Malheur aux assassins! Répondez! Cria l'ange. Alors, ces lourds essaims, ces soldats plus nombreux que les épis des plaines, dirent, Ce n'est pas nous, ce sont nos capitaines. Nous dûmes obéir à leur ordre inhumain. Nous n'étions que le glaive, eux, ils étaient la main. C'est sur eux, non sur nous, que le crime retombe. L'ange, vers la lueur calme comme une tombe, leva, grave et pensif, son œil fixe, aux cils blonds, puis se tournant, il fit un signe aux aquilons. Les vents ayant soufflé, ces hommes disparurent.